La musique sourde te fait bouger, te fait vibrer. Pourtant tu es blanc, naturellement tu te déhanches. On voit alors la lune blanche. Qui pourrait te déshabiller, tu sais. Qui pourrait même te montrer. La vie est douce, on peut s'allonger, on peut se détendre. Tu pourrais te déshabiller, tu sais. Tu pourrais même te montrer, bébé. Tu pourrais te déshabiller, tu sais. Tu pourrais même te montrer.